Un mot de calme, sous ce vacarme inhumain. Dis-moi pourquoi certains pourrions les armes à la main. Certains s'exclament, quel avenir pour demain. Certains joignent les mains et se remettent à tous les seins, machine arrière. Voilà ce qu'il faut faire, et je ne vous parle pas d'un simple retour à la terre, bien au contraire. L'extension doit se faire, les nations doivent se taire et réformer leurs militaires, et qu'on efface les traces de ces années de guerre, où nos ancêtres fiers, manipulés par tant de tiers, ont dévié hélas les couteaux dans la place, tailladant de grimaces la face de ce bel univers. Dame, quand le bruit des bombes a retenti, et des milliards de larmes sur les tombes. Voilà pourquoi je hais ces quelques forts en thème, forts en gueule retranchés derrière leurs théorèmes, qui croient pouvoir régler tous les problèmes, même si à moi leurs équations me semblent vaines. À l'échelle des nations, ce ne sont que des systèmes, le système monétaire ou l'idéal européen, la mondialisation, l'ultra-consommation, ce système est sectaire pour celui qui n'a pas de bien. Quand on parle genre humain, quand on parle de la terre, je vois qu'on les atterre, que tous les indiffèrent. Alors il ne nous reste que sentier de la guerre, où on craindra vous lâche face à d'autres misères.